Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 55. De la manifestation de la résurrection. La résurrection a dû être manifestée, non à tout le peuple, mais à des témoins choisis, du message des anges. Le Christ ressuscité n'a pas dû converser continuellement avec ses disciples. Pourquoi il a pris parfois une figure étrangère? Comment il a prouvé sa résurrection? 1. La résurrection du Christ a-t-elle dû être manifestée à tous les hommes, ou seulement à quelques-uns en particulier? Saint Pierre disait aux Juifs, « Dieu a ressuscité celui que vous avez fait mourir, et il a voulu qu'il se manifestât, non à tout le peuple, mais à des témoins choisis. » Actes des Apôtres 10, 40. Tel est l'ordre de la Providence que, pour les vérités qui sont un don spécial de la grâce, Dieu les révèle immédiatement à des êtres supérieurs, qu'il charge de les transmettre aux autres. La résurrection, qui touchait à la vie future, puisque le Christ ressuscita dans la gloire, et de ce nombre, elle devait être manifestée, non à tout le peuple, mais à quelques hommes en particulier, avec mission de la proposer à la foi de tous les autres. Note. Ce ne fut pas sans dessein que le Sauveur apparut d'abord aux saintes femmes, il voulait que le sexe qui, à l'origine du monde, nous avait apporté la mort, annonça le premier la vie du Christ ressuscité dans la gloire. Ainsi, dit saint Cyril, ce fut la femme, premier instrument de la mort, qui nous apprit la première l'auguste mystère de notre rédemption, elle fut dès lors relevée de son ignominie et de la malédiction qui pesait sur elle. Cela nous marque aussi que, dans la gloire éternelle, il n'y aura aucune infériorité dans la femme, et que celle qui aura eu plus de charité aura aussi plus de gloire. Les saintes femmes, qui, par l'amour le plus tendre pour Jésus, ne voulurent pas abandonner le tombeau, dont les disciples s'étaient éloignés, eurent le privilège de voir, avant les disciples, leur Sauveur ressuscité. Fin de la note. 2. Aurait-il convenu que le Christ ressuscitât à la vue de ses disciples? Ce fut un ange qui dit aux saintes femmes, « Il est ressuscité, il n'est plus ici. » Marc 16, 6. Notre Seigneur, par sa résurrection, entrait dans la vie immortelle, glorieuse, et conforme à celle de Dieu. Pour cette raison même, il n'eût pas été convenable que sa résurrection s'accomplît à la vue de ses disciples, il l'était beaucoup plus que, suivant le principe invoqué plus haut, elle leur fut annoncée par les anges. Note. Les apôtres, qui virent de leurs propres yeux le Sauveur vivant après sa résurrection, et qui l'avaient également vu mort, peuvent être appelés des témoins oculaires de sa résurrection. Mais, tout d'abord, ils ne la connurent que par la foi à la parole des anges. Fin de la note. 3. Le Christ, après sa résurrection, devait-il être continuellement avec ses disciples? 8 jours après, dit saint Jean, le Christ apparut à ses disciples. 20-26. Il n'était donc pas continuellement avec eux. La vérité de la résurrection et la gloire du Sauveur ressuscité, voilà ce qui devait être manifesté aux disciples. Pour démontrer la vérité de sa résurrection, il suffisait au Christ de leur apparaître à plusieurs reprises, de converser familièrement avec eux, de manger, de boire en leur présence, et de se laisser toucher de leurs mains. Pour manifester sa gloire, il ne convenait pas qu'il demeurât constamment avec eux, de peur qu'ils ne crussent qu'il était revenu à sa vie mortelle. Par conséquent, le Christ, après sa résurrection, ne devait pas être sans interruption avec ses disciples. Note. Quant au bonheur de le voir continuellement au ciel, il leur dit, « Je vous verrai de nouveau, votre cœur sera dans la joie, et cette joie ne vous sera point ravie. » Jean 16, 22. Il se montra cinq fois, le jour même de sa résurrection, premièrement, aux saintes femmes, près du sépulcre, deuxièmement, aux mêmes, à leur retour, troisièmement à Saint-Pierre, quatrièmement, aux disciples allant à Emmaüs, cinquièmement, aux disciples réunis à Jérusalem, parmi lesquels saint Thomas n'était point. Après ce premier jour, il apparut, sixièmement, aux disciples, saint Thomas présent, septièmement, près la mer de Tibériade, huitièmement, sur la montagne de Galilée, neuvièmement, dans un dernier repas, dixièmement, le jour de l'Ascension, où il monta au ciel. Nous ne voyons point d'autres apparitions dans l'Évangile, mais il faut observer que, suivant saint Jean, 20, 30, tout n'a pas été écrit. Saint Paul dit que notre Seigneur fut vu par plus de 500 frères, et qu'il apparut ensuite à saint Jacques. 1 Corinthiens 15, 6. Or ces apparitions ne sont cependant pas rapportées par les évangélistes. Fin de la note. 4. Le Christ devait-il apparaître à ses disciples sous une forme étrangère? Saint Marc 16, 12 dit, après cela, il se montra sous une forme étrangère à deux disciples qui allaient au champ. La résurrection a dû être manifestée à la manière des choses divines, qui nous le sont diversement selon nos dispositions à leur égard. Et, en effet, notre âme est-elle bien disposée? Elle les perçoit dans leur vérité? Est-elle mal disposée? Elle ne les voit qu'avec obscurité. L'homme charnel, a dit saint Paul, ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14. Cette observation nous explique pourquoi le Christ apparut tel qu'il était aux disciples disposés à croire, et pourquoi il se montra sous une autre forme à ceux qui disaient avec une foi chancelante. Nous espérions pourtant qu'il rachèterait Israël. Marc 16, 12. Tel il était spirituellement dans leur âme, tel il se montra corporellement à leurs yeux, il n'était pour leur foi qu'un étranger, il feignit d'aller plus loin comme un étranger. Note. Toute fiction n'est pas un mensonge, il y a des figures dans les faits comme dans les paroles. Le Sauveur se proposait de donner un enseignement, mais il ne permit une telle illusion que jusqu'à la fraction du pain, afin de nous apprendre que la participation à l'unité de son corps détruit les obstacles dont le malin esprit se sert pour nous empêcher de le reconnaître. Fin de la note. 5. Le Christ a-t-il dû démontrer la vérité de sa résurrection par des arguments? Pendant 40 jours il apparut à ses disciples, leur démontrant par beaucoup d'arguments qu'il était vivant, et leur parlant du royaume de Dieu. Actes des Apôtres 3. Le mot argument signifie parfois une raison que l'on apporte pour démontrer une vérité auparavant douteuse, et parfois un signe sensible qui a pour objet la manifestation d'un fait. Dans le premier sens, le Christ ne démontra point sa résurrection par des arguments, c'est-à-dire par des preuves tirées de la raison humaine, dont elle dépassait la sphère. Invoquant seulement l'autorité des saintes Écritures, fondement de la foi, il disait, « Ne fallait-il pas que tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, s'accomplit ?» Luc 24, 44. Dans la seconde acception, On peut dire qu'il démontra par des arguments, ou, en d'autres termes, par des signes évidents, qu'il était vraiment ressuscité. Il fit valoir ce genre de preuves pour un double motif. Premièrement, à cause du peu de disposition qu'il trouvait dans ses disciples pour la foi à ce mystère, et de là ce reproche qu'il leur adressait. Ô hommes aveuglés dont le cœur est lent à croire. Luc 24, 25. Secondement, afin que leur témoignage, appuyé sur les signes qui les avaient frappés, fut plus efficace lorsqu'ils pourraient s'exprimer ainsi. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains, voilà ce que nous vous attestons. 1 Jean 1, 1. 6. Les preuves données par le Christ ont-elles suffisamment démontré sa résurrection? Notre Seigneur a démontré sa résurrection par des témoignages et par des signes également irrécusables. Les témoignages sont, en premier lieu, celui des anges, qui l'annoncèrent aux saintes femmes, ainsi que le rapportent les quatre évangélistes, en second lieu, celui des Écritures. Les arguments ou signes sensibles furent pris de son corps et de son âme. Il fit toucher son corps à ses disciples, en leur disant, « Touchez et voyez, car les esprits n'ont ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Preuve qu'il avait un corps vrai, palpable, et non un corps fantastique. Il se montra à eux avec tous ses traits, leur permettant de le contempler à loisir. Il fit voir que son corps était numériquement le même qu'auparavant, en dévoilant les cicatrices de ses plaies. « Voyez mes pieds et mes mains, leur disait-il, et reconnaissez-moi. » Luc 24, 39. L'épreuve tirée de son âme n'était pas moins forte. Il mangeait et but avec ses disciples, œuvre de la vie nutritive. Il répondit aux questions qu'on lui adressa et salua ceux qui étaient présents, œuvre de la vie sensitive, par laquelle il montrait qu'il possédait les sens de l'ouïe et de la vue. Il instruisit ses disciples et leur expliqua les Écritures, œuvre de la vie intellectuelle. Enfin, pour que rien ne manquât à la manifestation de sa résurrection, il prouva, et par le miracle de la pêche miraculeuse, et par celui de son ascension, qu'il avait aussi la nature divine. Il entra, les portes fermées, dans le lieu où ses disciples étaient réunis, et il se déroba tout à coup à leurs yeux, ce qui attestait avec évidence qu'il était revêtu d'un corps glorieux. Note. Si chaque argument, pris séparément, ne suffit pas pour démontrer parfaitement sa résurrection, leur réunion, très certainement, la démontre de la manière la plus incontestable, notamment le témoignage des Écritures, les paroles des anges, et l'assertion même du Christ, confirmée par des miracles. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.